Et les inhibitions sont part de... On a parlé un peu tout à l'heure, si on retourne dans l'histoire. Le fait que l'humain s'habille, par exemple, je commence par un cache sexe et puis ça va jusque... Bon, il n'y a pas de limite à l'habillement. Okay, bon, ceux qui s'habillent, il y en a... Dans les pays sous-développés, ouais, c'est ça. Pourquoi le vêtement sert, là? C'est parce que, si on peut faire le lien, où c'est froid, les gens, habituellement, c'est une société plus intelligente. C'est une nuance, c'est que le fait que les gens s'habillent n'est pas lié à l'inhibition. C'est que le fait que les gens se déshabillent plus, oui. Ça, c'est lié au phénomène de l'inhibition. Alors, les enfants qui sur une île déserte, sont nés, ont toujours été nus, il n'y a pas de vêtements pour se vêtir, il faut qu'ils les fabriquent. Et puis, c'est un question climat. De pratique. Non, mais c'est un climat où ils n'ont pas besoin de s'habiller. Ils vont s'habiller à cause que c'est pratique d'être vêtus. Mais ils ne s'habilleront pas à outrance, en tout cas. Non, mais le problème qu'il y a, c'est qu'ils vont se déshabiller facilement. Mm-hmm. OK. Bon, prends des personnes, bon, tu vas dans la jungle amazonienne, tu rencontres des indigènes, c'est évident qu'aller chasser dans la jungle à poil, tu reviens avec des morceaux en moins. Bon. Faire une course après un guépard avec une flèche avec un arc ou une catapulte ou une sarbacane dans la jungle, tu vas voir que les morceaux sont encombrants. Alors nécessairement, ils vont se vêtir. Quand ils vont se baigner sur le bord des rios du coin, puis qu'ils se baignent comme s'ils se baigneraient comme les Occidentaux, enfin les personnes dites civilisées, toujours habillés, avec du linge, tu dois voter après pour faire sécher. Alors là, nécessairement, on parle d'inhibition. OK. Comme la femme qui se cache les seins dans la jungle, puis lorsqu'elle veut aller allaiter son bébé, ben là, elle se découvre les seins, puis elle l'allait. Qu'il y ait des hommes, qu'il n'y ait pas d'hommes, ça n'a rien à voir. Il n'y a pas d'inhibition, là. Autrement dit, il n'y a pas de sainte inhibition. Dans la jungle. Mais est-ce que ça a un rapport avec l'intelligence, le fait qu'il n'y ait pas d'inhibition à se déshabiller, est-ce que ça a un lien avec le niveau d'intelligence non. attribué à ces personnes-là? C'est pour ça qu'il faut faire attention. Ces personnes ne sont pas intelligentes dans le sens de l'intelligence prémentale. Ces personnes n'ont donc pas de conscience comme on l'a la nôtre. De ce fait, ils ne seront pas aussi inhibés que nous le serons. Ils seront plus heureux que nous le serons. Ce qu'ils ne savent pas dans leur bonheur, c'est qu'ils devront passer par les places, par le chemin que nous avons passé. Bon. Nous sommes rendus dans un point tournant de l'évolution de la conscience et nous allons commencer à revivre des processus par la fusion, donc la descente réelle de l'énergie sous le contexte planétaire, après la jonction des deux énergies, ce que l'homme, la femme et l'enfant font présentement en contact avec le plan supramental. Et là, nous allons commencer à retourner vers ce que, ésotériquement, on appelle le centre source. Nous commençons, nous allons, ceux qui commencent la fusion, vont commencer le processus de réintégration vers des phénomènes du début. Bon, à un moment donné, on pourra revenir sur ce cheminement-là. Pas aujourd'hui, parce que je préfère qu'on continue à travailler ou à parler du phénomène inhibitif. C'est-à-dire, là, je continue une seconde, 30 secondes là-dessus, c'est qu'on chemine vers l'évolution, vers la conscience, et puis on régresse dans la matière, mais toujours en gardant le même niveau de conscience qu'on était cherché. Est-ce que c'est ça? 13 secondes, oui. OK. Bon, la différence, quand on parle d'intelligence, l'intelligence, comparativement avec le mental, c'est que l'intelligence est bouddhique dans l'application. Non, c'est que le mental... Bon, lorsque l'intelligence touche le mental de l'homme, lorsque l'intelligence touche l'intellect de l'homme, il engendre le mental. Lorsque l'intelligence est capable de traverser le mental, de traverser le phénomène astral, de traverser le phénomène vital, de traverser le phénomène matériel... Cela engendre le phénomène bouddhique. Voilà. Mais c'est pas la même intelligence que une action intelligente faite par l'humain? Oui, une action intelligente faite par l'humain, si elle est réellement intelligente, si elle est intelligente même dans la conscience de celui qui applique l'action, c'est qu'il est transparent jusqu'à un certain point. Donc, il laisse passer l'intelligence, l'énergie supramentale jusqu'à un certain point. L'intelligence pure, c'est une question de transparence. Mais je comprends. Dans l'expression, oui. Mais je comprends pas. Ça, pareil. Ouais. Mais je comprends pas l'application de l'intelligence qui passe par ces différents, tous les niveaux, là, mental. Parlons du plan bouddhique. Le plan bouddhique, c'est comme l'intelligence prémentale, c'est comme beaucoup de choses. L'intelligence prémentale, ce n'est absolument rien s'il n'y a pas d'homme ou de femme pour la recevoir. Mm-hmm. Bon. Lorsque le phénomène bouddhique apparaît, le phénomène bouddhique, c'est une interrelation entre l'intelligence supramentale et un autre phénomène énergétique qu'on appelle le plan bouddhique, qui est un peu une forme d'amour. Mais il faut faire attention encore, c'est que chaque fois que l'être humain vit de l'amour, il vit de la possession. Alors, un amour gratuit, c'est l'intelligence, c'est le phénomène bouddhique, un amour gratuit. L'amour gratuit exprimé dans le contexte humain est beaucoup plus exprimé par l'amitié que par l'amour. Donc, deux amis ne se manipuleront pas les uns les autres. Si, par contre, un homme et une femme qui vivent ensemble, enfin, ceux qui sont en amour ensemble, se manipulent régulièrement. Alors, le parent qui aime ses enfants les manipulera de A à Z. L'enfant qui aime ses parents les manipulera aussi. Et tant que le parent n'est pas ami de l'enfant, il y aura toujours un problème parce qu'ils sont en amour. Bon, c'est pas toujours un amour sexuel, mais on parle d'amour. C'est une possession dans l'amitié. Le plan bouddhique, c'est de l'amour gratuit, c'est-à-dire que ça ne nécessite pas, ça provient de, nécessairement, le plan bouddhique est déjà très collé à la mécanique intentionnelle qui est le plan juste en haut et le dernier plan du phénomène créationnel. Le plan bouddhique ne nécessite pas de cause pour appliquer une intervention quelque part. Donc, le plan bouddhique, de par cette définition, est déjà est lui-même intentionnel. Le phénomène de l'intentionnalité, c'est ce qui paramètre le reste de la création à l'intérieur, ce n'est pas ce qui la paramètre à l'extérieur. Et de toute façon, c'est extrêmement intéressant, mais ça ne me tente pas d'en parler. Voilà, bon. J'aimerais qu'on revienne sur les émissions. Bon, l'amour a souvent, dans une relation entre un homme et une femme, avec, où il y a l'amour. Non, l'amour a dans la relation entre des êtres humains. Ouais, mais on ne peut pas sexualiser ou sexiser. Phénomène de l'amour. Mais présentement, c'est ça? Non. Puis même si c'est ça, parlons-en pas, c'est pas ça qui va être. Bon, moi, ce que je, bon, je veux comprendre, le phénomène de la possession dans l'amour traditionnel. Et au niveau de l'inhibition? Bon, ben, au niveau, mais comment ça, la possession apparaît là-dedans? Bon. Étant donné que l'être humain est constitué d'ego, et que l'être humain vit de l'expérience par son ego, que l'être humain accumule de l'expérience par la vie, et que l'ego se constitue à même les mémoires expérientielles qui vont être cumulées dans l'ego, il vient un moment donné où ton ego est tout petit, parce que tu rencontres une femme, tu vis 20 ans avec elle, tu nourris de sa présence, tu nourrissant de sa présence, tu finis par créer un égrégore dans ton âme, l'égrégore grossit, s'amalgame à l'ego, donc une partie de ton ego est constituée maintenant par la présence de la femme. Parce qu'après 20 ans, tu auras tellement expérimenté la femme, ton ego a besoin pour continuer à vivre la partie de l'ego créée par l'expérience de la femme. Hein? C'est dans le livre de la naissance à la mort. Et tu pourras lire. Et puis, parce que l'ego finit par avoir suffisamment de parties de la femme, lorsque la femme s'en va, lorsque la femme sort avec quelqu'un d'autre, chaque fois que l'ego pense qu'il ne pourra peut-être plus se nourrir de la présence de l'autre, soit qu'elle va sortir avec un autre ou elle va se séparer, elle va mourir ou etc., il en souffre déjà. Et là, il y a plusieurs processus qui vont être amenés pour que la partie de l'ego fasse tout pour manipuler l'enfant, s'il se nourrit de l'enfant. Quand l'enfant rentre avec les cheveux bleus, tu ne le reconnais plus. Donc, au nom de ton amour, tu aimerais qu'il y ait une tête ordinaire, comme tu l'avais avant. Alors, ça ne va pas. Bon, alors ce qui va arriver, c'est que tu vas expérimenter cela et tu auras peur que la personne disparaisse ou change parce que la partie ici qui se nourrit de sa présence devra mourir. C'est la souffrance. Bon, c'est simplement pourquoi on en est là. Sauf que inconsciemment, comme j'ai déjà expliqué, tout le processus astral à partir du plan mental en descendant jusqu'au corps physique sont des copies, le mental étant le point de jonction, donc l'astral, le vital, le corps physique, sont des copies, mal faites, des plans supérieurs. Avec le corps physique, tu peux bouger une chose. On dit donc, je fais une action intentionnelle. C'est la copie du plan supérieur, le plan d'intentionnalité, qu'en ésotérie, certains appellent le plan divin, qui n'a rien à voir avec Dieu. Au niveau du plan vital, on aura une correspondance supramentale surtout. Le plan vital est celui qui permet la révélation de la matière. La révélation de la matière étant accomplie, on a la matière là. Le double éthérique, le corps de lumière, va être créé dans le plan supramental, qui est la copie en parallèle avec le plan vital. Le plan astral, l'émotion, est souvent, va être surtout reliée au phénomène bouddhique, là où on va retrouver ce phénomène d'amour. Mais l'humain ne peut pas définir ce qu'est l'amour parce que l'humain met trop d'amour dans son amour. L'humain a un amour qui aime, un amour sélectif, un amour qui déteste une personne et qui en aime un autre. Alors que le phénomène de l'amour dans sa globalité est un phénomène qui, comme l'atmosphère, est partout. Donc, il n'est pas sélectif. Le plan astral a, est la copie manquée du phénomène bouddhique. Lorsque l'être humain vit, il essaie de recopier les mécaniques qu'il se rappelle dans sa terrestrification, qu'on appelle chute dans les religions où on ne connaît pas et où on ne comprend pas la mécanique de fusion de l'humain. Et lorsque l'être humain a été effusé dans les contextes matériels pour pouvoir faire un travail au niveau de la création, ce que je ne veux pas parler, je n'ai souvent parlé pour pouvoir revenir, ce qui va arriver, c'est que les parties planétaires, essayant de copier en haut, vont le copier tout croche, ce qu'on appelle la coloration. Parce qu'il y a une coloration, la coloration, à un moment donné, tu dois parvenir à l'éliminer. C'est-à-dire que la coloration doit devenir suffisamment embêtante. Et comme l'être humain est bâti dans sa structure égoïque, il y a suffisamment d'intervention par le canal réincarnationnel 24 heures sur 24 de mécanique extérieure. Il y a toujours une perturbation astrale dans la conscience astralisée, la conscience émotive de l'humain, qui va le forcer à rechercher du neuf, mais à très à petite dose. Alors, ce qui va arriver, c'est que progressivement, l'être humain va vouloir chercher quelque chose d'autre et cela va l'amener à se satisfaire, c'est-à-dire à se gaver, à devenir sevré d'une forme d'expression ou de gustation de son monde, ce qui va engendrer l'inhibition, lui permettant de passer plus haut. Quand on parle de possession, il faut comprendre, c'est animal, mais il faut comprendre que l'homme, la femme vont être jaloux l'un de l'autre, ou là, enfin, jaloux, je suis jaloux du voisin parce qu'il sort avec ma femme, ou etc. Ce qui va arriver, c'est que l'être humain, dans l'archétype, dans ce qui traditionnellement le constitue, il a déjà eu la liberté sexuelle, il a déjà eu la liberté dans la matière, mais on parlait du sexe pour l'amour, il a déjà eu la liberté de sexe, certains vont dire de jouer, non, mais de s'exprimer et de grandir là-dedans, parce qu'il a une inhibition, il y aura d'autres inhibitions, il arrive à avoir une seule femme ou un seul homme. Ce qui va arriver, c'est que si en plus tu perds celui-là, déjà assez que tu es inhibé au bout, tu vas tout faire pour le perdre. Parce qu'avec ta femme, tu as réussi à t'ouvrir, tu as réussi à devenir un peu plus transparent, bref, tu as réussi à retourner un peu dans tes inhibitions, à peine avec une femme, ce qui donne suffisamment d'énergie pour continuer ta progression ascensionnelle. S'il faut que tu perdes ta femme, il faudra que tu te ramasses avec des inhibitions totales. Il faudra que tu recommences avec une autre femme. Il faudra que tu recommences à s'ouvrir l'ouverture un petit peu des petites portes. Puis moi, ce que je t'offre, c'est la désinhibition ascensionnelle ou les petits peu de souffrance que tu risquerais d'avoir si tu perds ta femme. Bien, c'est la même chose, mais en beaucoup plus gros. Parce que ta désinhibition devra être totale. Bon. Mais c'est une autre raison qui est sous-jacente à la manipulation du fait que l'humain va devenir jaloux. En ce sens que, par exemple, si tu as des enfants, avec tes enfants, tu vivras plus de liberté. Cette liberté peut être stagnante, une liberté non ascensionnelle, puis elle peut ne pas te nuire dans ton ascension. Mais quand tes enfants deviennent adultes, bien là, c'est plus des enfants, c'est des adultes. Puis avec les adultes, tu as conservé l'archétype de l'inhibé. Et là, vers l'adolescence, tu vas te détacher de tes enfants, eux vont se détacher de toi aussi. Parce qu'en tant qu'enfant, ils étaient peut-être relativement plus libres avec toi. À l'adolescence, ils commencent à réincarner des mémoires d'adultes, et les adultes sont inhibés en face d'adultes. Et là, le processus de la guerre, la souffrance encore interne, entre « je m'inhibe pas », commence à jouer. Tout ça est un processus d'évolution convenable. L'enfant doit devenir inhibé de ses parents pour pouvoir sacrer son camp. Sauf que tu dirais, oui, mais c'est stupide, il pourrait aussi s'en aller sans avoir d'inhibition parentale. Entièrement d'accord. Mais si l'enfant n'a pas d'intelligence chez lui, et si les parents n'ont pas encore d'intelligence, ils sont intellectuels, l'intelligence sociale, ils sont intelligents, mais ils n'ont pas d'intelligence instantanée, ils n'ont pas de contact réel avec de la lucidité, et nécessairement, ils vont découvrir qu'ils sont inhibés 5 ans après avoir commencé à s'inhiber. D'où le manque de conscience. C'est une expression du manque de conscience. Sinon, si l'enfant a une raison intelligente de faire un processus ascensionnel, donc d'évoluer, de s'améliorer dans la conscience, pas de devenir un bon technicien, d'avoir une conscience qui lui permette d'être un être humain qui n'a pas besoin d'être instruit à l'école à un moment donné, ni à l'école de la vie par la souffrance, par l'expérience, ben nécessairement, il ne deviendra pas inhibé de ses parents, même s'il comprendra qu'il devra à un moment donné s'en aller. Alors, on aura ce phénomène de l'amour, de la jalousie, de la manipulation, une grande partie en fonction des inhibitions qui sont extrêmement vieilles dans le passé au niveau des archétypes qui sont réincarnationnels. Est-ce que ça t'intéresse de savoir de quelle façon on va désinhiber? De quelle façon se désinhiber? Oui, ça m'intéresse. Ah, ok. C'est bon, hein? Non, encore, c'est parce que ça les intéresse eux autres, pas toi. C'est peut-être poser question. Oui, ça m'intéresse, mais auparavant. Vous savez que ce qui intéresse la majorité des conscientisés, c'est toujours ce qui n'est pas applicable. Hein? Sérieusement. Parce que c'est toujours comme trop beau, trop, c'est pas assez énergétique, c'est pas assez ici, c'est pas assez ça, c'est pas assez ça. Alors, on peut vous faire des cours de médecine sur une appendicectomie pendant 20 ans, puis vous laisser mourir d'appendicite. Bon. À un moment donné, s'il faut passer à l'opération, ben là, c'est sûr que c'est pas pareil. Comment, hein, c'est... Bon, mais comment... Est-ce que tu veux que j'en parle? Parce qu'avant, je voudrais savoir l'intérêt que peut avoir deux personnes de vivre ensemble. Quel intérêt? Ça dépend des individus. Désinhiber. OK. Deux personnes désinhibées, quels intérêts qu'ils auraient de rester ensemble? Oui. Ah, OK. C'est une bonne question, parce qu'il y a beaucoup d'intervieweurs, à un moment donné, qui me disaient justement qu'ils ne voulaient pas évoluer trop vite. Si je dis que deux êtres désinhibés n'ont plus d'intérêt ensemble, tu peux dire, bon, ben, j'espère que ma femme et moi, on ne se désinhibera pas trop vite. On reste encore ensemble un peu. Il y a question d'énergie. Premièrement, ce qui arrive, ça serait, bon, je vais expliquer rapidement, ça sera beaucoup plus clair, possiblement, si je l'expliquerai la troisième partie. Bon. Mais ce qui va arriver, c'est que les êtres humains vont, comme c'est toujours le même phénomène, avoir une raison intelligente d'être associés, donc de vivre ensemble. Alors, un homme et une femme ont une raison intelligente, pas de se marier, tu n'as pas de raison intelligente de te marier, c'est des raisons collectives, mais de vivre ensemble. S'ils sont intelligents, donc désinhibés totalement, ce qui va arriver simplement, c'est que toute l'énergie qu'elle, par son corps physique, ne peut pas exprimer, elle va sans doute retrouver dans l'énergie que tu exprimes par le tien. Quand je parle du corps physique, je ne parle pas de sexualité. Ton corps physique va faire que tu vas parler différemment que moi. Tu vas agir différemment que moi. Alors, ce qui va arriver à un moment donné, c'est que tout ce que je ne peux pas être, si tu l'es nécessairement, on aura une raison intelligente d'être associé. Si c'est un homme et une femme, ils seront associés aussi. Avoir un enfant, c'est autre chose. Bon, là, nécessairement, va intervenir la sexualité génitale. Mais nécessairement, la correspondance énergétique entre un homme et une femme, entre un homme et d'autres hommes, entre une femme et d'autres femmes, entre des adultes et des enfants, peut être d'ordre vibratoire à un point tel qu'à peu près n'importe quel animal humain qui vivrait ça serait en orgasme. Alors que pour celui, pour la femme nouvelle, l'homme nouveau ou l'enfant nouveau, on ne parle pas de génitalité encore une fois, mais la communion qu'il y aura entre ces individus-là va faire que de toute façon, ils vont s'associer ensemble. Parce que pour des choses qu'on ne peut pas dire encore, dans le genre, alors je ne le dis pas, dans le genre, parce qu'il va s'associer à toi, parce qu'à un moment donné, il se fusionnera à toi. Mm-hmm. Là, c'est pas grave. Mais parce qu'un jour, il se fusionnera à elle. Là, c'est grave. Voilà. C'est pour ça qu'on ne dit pas, parce que souvent, les égos sont pas très forts. Alors, on parlait du processus de désinhibition. Ouais. Et je vais barbouiller sur le tableau ici. Si vous voyez pas, ben ça va être déjà mieux. Ah ben là, c'est... Hein? Ceux qui savent pas ce qui se passe sur la cassette, je suis en train de retirer le micro. Voilà. Ils ont inventé les micro-cravates, ils n'ont pas inventé les micro-boucles. Alors, je vais me contenter de ceci. Bon, c'était très simple. La façon dont vous êtes tous constitués, c'est une façon qui est très particulière et qui, normalement, n'est pas saisie par les consciences humaines. Vous n'êtes pas dans un endroit spatial ou temporel, vous êtes dans plusieurs endroits spatio-temporels que l'on appelle des mondes parallèles. Votre corps vital n'habite pas votre conscience astrale. Votre corps physique n'habite pas votre corps mental. Le corps mental semble habiter le corps physique, ce qui est faux. Et tout ça va se réunir dans ce qu'on appelle la conscience. Mais la conscience, en fonction de la capacité qu'elle aura d'être consciente d'elle-même, donc être conscient que l'on est conscient, va faire en sorte qu'à travers ces mondes parallèles, il y a plusieurs mondes parallèles qui vont s'associer ensemble. Si votre conscience est archaïque. Ce que je veux dire, c'est qu'à un moment donné, on va parler du corps astral. Donc, du monde astral comme étant un monde. Parce que notre conscience limitée nous oblige à synthétiser. Et on pourra parler du monde mental comme un monde. Et peut-être aussi du monde supramental comme un monde. Alors que dans la réalité, il n'y a même pas de séparation astralo-mentalo supramental, comme il n'y en a pas non plus au niveau du physique, du vital, de l'astral. Mais c'est plaisant à parler. Si, comme dans la lumière blanche, il y a plusieurs couleurs, alors on peut dire il y a des longueurs d'onde particulières. Mais entre deux couleurs, où est la séparation de longueur d'onde? Il n'y en a pas. À un moment donné, on voit bleu, à un moment donné, on voit violet, mais entre les deux, il y aura tout le dégradé jusqu'à l'un et l'autre. Parce que nous décidons que violet, c'est ça, et que bleu, c'est ça, nous allons parler de dégradé entre les deux. Mais on aurait aussi bien pu dire, ça sera telle couleur, et ça sera telle couleur, et le dégradé sera entre les deux. C'est ce que nous avons fait. Nous l'avons fait dans le sens inverse, et nous avons nos couleurs. L'être humain vit donc dans des mondes parallèles. Et la problématique, que je vais écrire seulement en haut, c'est plus évolutif. que votre conscience ici, elle est, disons, pacifique dans l'astral. Mais vous avez aussi une présence dans un monde parallèle où il y a de la colère. Et vous avez aussi une présence dans un monde parallèle où il y a de la gêne. Et vous avez un paquet de présences dans différents mondes parallèles où il y aura du plaisir, il y aura d'autres choses. Chaque petite particule de ce que vous êtes, nécessairement, est dans un monde parallèle particulier. Et lorsque l'être humain est manipulé, lorsque l'on sait aussi qu'il y a plusieurs personnes qui parlent dans notre conscience, qu'il y a plusieurs phénomènes de manipulation, ce sont différents phénomènes reliés à des mondes parallèles, des parties du monde astral qui ne sont que colère. Il y a des petites parties de ça qui vous touchent et qui vous ramassent, suite au processus de réincarnation qu'on a déjà vu dans le séminaire. Alors, ce qui arrive, c'est que tout ce qui vous constitue de A à Z, votre nez dans un monde parallèle, votre œil dans un autre, et au niveau psychologique, au niveau mental, comme au niveau supramental, dans des mondes parallèles séparés, tous ces petites bribes-là ici constituent ce que vous êtes, dépendamment de la quantité de présence de conscience dans un monde plutôt qu'un autre, vous aurez une différence de corps, une différence psychologique, une différence mentale, etc. Ce qui arrive dans l'évolution humaine, c'est que l'énergie passe par en bas. Passant par en bas, elle arrive dans ces mondes parallèles. Et dans les mondes parallèles, elle va s'exprimer. Alors, on verra, comme on l'a vu, que la sexualité va être l'une des premières inhibitions qui va apparaître. Qu'est-ce qu'une inhibition? Lorsque les bâtons, on va dessiner des bâtons ici, dans le monde parallèle, sont gavés, l'un de ces bâtons ici commence à pivoter. Il est comme ceci et il va pivoter sur 90 degrés. On explique planétairement. Il pivote sur 90 degrés, ce qui va nous l'amener comme ceci, en longueur par là-bas. Et on aura d'autres bâtons ici. L'énergie que l'on prend, qui frappe une forme d'inhibition ici, fait que notre énergie est totalement déviée. Cette déviation va engendrer ce que nous appelons l'inhibition réelle. Notre énergie ici s'est gavée. Celui-ci, prochainement, progressivement, va commencer à pivoter lui aussi. Et à un moment donné, toute énergie qui monte de l'homme dans la femme ne sera plus capable de s'exprimer convenablement dans des mondes inférieurs pour jaillir dans les mondes supérieurs. Le problème, c'est que dans les mondes supérieurs, que ce soit par exemple la spiritualité, c'est supérieur à la matière, à la matérialité, qui est supérieur à la vie sexuelle. Quand je parle de monde supérieur, c'est supérieur dans ce sens-là. En arrivant ici, si c'est les mémoires ou l'énergie qui ne s'est exprimée que dans le sexe, qui se ramasse dans la matière, le gars ou la fille, ils auront à un moment donné des orgasmes matériels. Puis à un moment donné, si c'est ça qui se ramasse dans la spiritualité, bien, on aura l'esthétisme. On ne se contentera pas d'un crucifix de bois tout l'air, on va en faire un en or. C'est l'énergie matérielle qui traverse dans le spirituel et qui, malgré l'inhibition, va quand même colorer pour diriger notre monde spirituel en fonction de ce qu'il était avant et de ce par quoi il passe. Alors, si on va au Vatican, il y a de la richesse là-bas. C'est sûr. Même si on vous dit d'être pauvre, puis les pauvres, puis de donner, etc., eux autres ne peuvent pas donner, ils ramassent. Les morceaux étant pivotés, ayant pivoté, cela engendre l'inhibition. L'inhibition va nous limiter. Alors, dans la libération sexuelle que la société a connue, on redessine encore les petits bâtons ici, celui qui était comme ça, à un moment donné, l'humain est parvenu, parce qu'il a monté suffisamment haut, il a eu quelques petits contacts avec de l'intelligence, de la conscience neuve, ça a été suffisant pour le galvaniser, pour pouvoir forcer l'un de ses bâtons à se replacer comme il était. Automatiquement, il y a libération sexuelle et liberté. Sauf que l'énergie qui devait monter ne passe pas de la même façon et surtout, comme le contact n'a pas été entretenu, l'individu a une libération qui est stagnante, qui n'est pas ascensionnelle. Où on doit travailler? Pour comprendre l'idée, si je prends un palier, un monde parallèle, je le dessine en bâton, on a une forme. Si celui-ci tourne légèrement, on aura une forme sur le côté. Bon, bâton s'en va par là-bas. Inhibition. Et si on le replace dans la même forme, liberté involutive est fusionnelle, l'inverse de la fusion. Ce que l'intelligence doit faire, donc ce que l'on doit faire lorsque l'on applique les choses que vous savez déjà, ça va être de prendre le bâton ici, de le tourner un tour par là, donc il sera maintenant comme ceci, et par la suite de le replacer. Cela veut dire recanaliser différemment tous les couloirs d'énergie qui antérieurement nous servaient. De ce fait, l'individu n'est plus inhibé, mais tout son processus accepte la descente du bas vers le haut, du haut vers le bas aussi. Il y aura un mélange entre les deux énergies, circulation dans les deux sens, et notre personne n'est plus inhibée, n'est pas effusée, elle passe par le processus de fusion et commence à rejoindre ce qu'on appelle aussi l'immortalité au niveau de la conscience. Il faut visualiser convenablement la mécanique. La désinhibition, les inhibitions au niveau des mondes parallèles, c'est que présentement, toute votre structure, toute la façon dont vous êtes constitué, existe dans plusieurs mondes. Existant dans plusieurs mondes, vous n'y avez pas accès. Si vous n'y avez pas accès, vous ne pouvez pas tout changer. Pour y avoir accès, vous devez expandre votre conscience. Expandre la conscience veut nécessairement dire être capable d'atteindre de nouveaux mondes. Atteignant de nouveaux mondes parallèles qui vous constituent, donc les conscientisants, vous aurez une vision neuve de vous. Une vision neuve qui, monde après monde, jour après jour, sera croissante, lente. Donc, on va découvrir après 20 ans qu'on a changé. Mais en réalité, on n'a pas changé. On accepte dans notre conscience nos parents qui vivent dans des mondes qu'on appelle le passé, mais c'est des mondes instantanés de mémoire, le monde astral. On accepte la réincarnation, on accepte plusieurs choses qui ne procèdent que de la conscientisation à travers les mécaniques des mondes parallèles. Dans ces mondes parallèles, il y a énormément de mondes parallèles qui sont mal placés. C'est-à-dire que votre énergie, lorsqu'elle traverse ce monde, elle est totalement déviée. Étant totalement déviée, elle engendrera ce que l'Église appelle le péché. C'est-à-dire qu'elle engendrera une expression très problématique du point de vue écologique, donc du point de vue de l'intelligence, à travers votre vie. Cela va faire en sorte qu'à un moment donné, quand un monde parallèle ou quand un bloc de monde parallèle s'exprime dans une partie de votre conscience, vous allez commettre un vol. Après le vol, vous allez avoir honte. La conscience chemine régulièrement dans différents mondes, et là, on pourra dire, c'est que tu es manipulé par différentes choses. Ou encore que l'ego tourne. Bon, c'est la même chose. Sauf que ce que l'on doit comprendre, c'est que lorsque l'individu commence à appliquer des mécaniques d'intelligence, non pas lorsque nous commençons à copier celui qui applique des mécaniques d'intelligence. Lorsque nous comprenons, lorsque nous intelligençons suffisamment la mécanique, lorsque nous sommes capables de faire vibrer l'intelligence de la mécanique chez soi, la mécanique nous appartient. Maintenant, si nous l'appliquons parce que c'est intelligent de l'appliquer, pas parce que nous voulons arriver à ceci ou arriver à cela, qui relève du processus de l'évolution méritoire astrale. Si c'est intelligent et nous commençons à l'appliquer, nécessairement ce qui va arriver, c'est que l'intelligence va commencer à travailler différents paliers des mondes parallèles qui ne sont pas convenablement placés chez vous, dans le bon axe. Et c'est exactement comme si vous prenez des lentilles de verre. Si vous en placez certaines debout, la lumière qui rentre dedans est réfléchie, elle est diffractée, il y aura une perturbation. S'il y en a énormément de coloration de ce genre, rendu dans votre conscience ou rendu même dans l'expression de votre vie, ce qui va sortir sera une lumière qui sera extrêmement défaite. Et c'est pourquoi on parle d'un corps opaque. Il ne laisse pas passer l'intelligence. Mais la lumière traverse, qui arrive en bas, ce n'est plus de la lumière blanche. Donc, on dit, si tu dis que la lumière, c'est nécessairement blanc, on va dire, tu laisses passer le bleu, mais tu ne laisses pas passer la lumière. L'intelligence, elle va replacer tous les mécaniques dans les différents mondes parallèles dans lesquels vous êtes projeté pour toutes les orchestrer de façon à ce que le faisceau d'intelligence, on peut encore parler de lumière, vous traverse complètement et, rendu de l'autre côté, ne soit qu'amélioré par votre présence, mais non plus démoli par la présence, coloré négativement par votre présence. Et c'est là on parle de transparence. On parle donc de diaphane, mais encore mieux, c'est une vraie transparence. L'alchimiste, lorsqu'il parle de prendre le charbon puis d'en faire du diamant, ben c'est ça, le charbon, c'est du carbone pur. Les cristaux sont placés d'une certaine façon que la lumière est totalement absorbée par. Dans le diamant, c'est du carbone pur. Les cristaux sont enlignés d'une autre façon qui laisse passer la lumière. C'est pourquoi ils ont aimé ce genre de parallèle planétaire. Alors, la désinhibition, c'est nécessairement un terme plus planétaire pour parler de la fusion. Alors, si l'individu recherche le processus de fusion, il devra rechercher le processus de désinhibition. Mais si on veut se désinhiber, alors nécessairement, il y aura une autre barrière extrêmement forte, solide, qui va apparaître. On l'a vu, l'inhibition face à la désinhibition. Si tu commences à replacer les morceaux dans... L'énergie va maintenant te descendre à l'intérieur, et si tu n'as pas suffisamment de puissance rayonnante du point de vue du mental ou du phénomène du contact supramental de l'ajusteur de pensée, autrement dit, si vous avez trop d'ego, si vous n'êtes pas assez anégoïque, alors il y a effectivement un grand danger de commencer le processus de fusion, le processus de désinhibition. Parce que si l'individu est trop égoïque, l'individu procède encore de l'évolution méritoire. À chaque fois qu'il va, vous qui, par exemple, on parle de libération sexuelle, alors prenons l'exemple d'une femme qui parvient à agir comme l'homme, elle va se dire, bon, tu vois, j'ai réussi. Elle a de l'ego et sa désinhibition est une désinhibition évolutive stagnante. Elle ne pourra pas se servir de cette désinhibition en fonction de l'évolution parce qu'elle pourra l'entretenir non pas comme un facteur naturel, ça va de soi chez elle, mais elle l'entretiendra comme un facteur de compétition et un facteur de représentation. Je suis libre parce que ceci. Donc, il y a encore le facteur méritoire à l'intérieur. Évolution piscéenne, évolution lunaire, évolution souffrante, évolution méritoire. Alors que l'individu qui procède par l'intelligence, ça va être normal, naturel, ça va aller de soi que ça arrive comme ça. Où il y a la problématique, c'est que devons-nous faire pour entreprendre le processus de fusion? Que devons-nous faire pour entreprendre le processus de désinhibition sans se faire leurrer par le processus de libération? Bon, c'est la question que tu devrais poser. Alors, concrètement, qu'est-ce qu'on doit faire pour commencer à se désinhiber? Pour commencer, ben, il faut faire comme on fait là. Et pour se désinhiber? Ah bon, autre chose. La majorité des personnes devront comprendre énergétiquement ce qu'est la mécanique de désinhibition, et cette mécanique de désinhibition ne peut et ne doit être enseignée directement par l'oral comme on le fait présentement. Autrement dit, c'est que si tu poses une question où il y a inhibition, je pourrais répondre de façon à t'aider à désinhiber, alors que la majorité des gens ne comprendront pas ce qui se passe, ne comprendront pas la question ou la réponse. Alors que d'autres personnes vont le comprendre, mais vont apprendre la réponse, et cela va nuire un peu à leur désinhibition. Je reviens encore au premier processus qu'on a parlé au début de la conférence, c'est que l'être humain, de base, veut acquérir de la sagesse plutôt que de l'appliquer. Alors que la désinhibition, c'est la terrestrification de ton savoir. La désinhibition, c'est le laisser libre passage à l'intelligence supramentale, autrement que par la parole, la tête ou le savoir instantané au niveau de la conscience, mais par tous les véhicules, donc par tous les mondes parallèles qui te constituent. Cela veut dire que tu vas devoir commencer par te désinhiber en termes de processus de collectivisme. Certains ont déjà commencé. Bon, alors, ou certains ne sont pas encore assez inhibés. Il y aura le processus de théologie à un moment donné. Est-ce que ça veut dire qu'on retourne à la messe? Non. Ça veut dire qu'on est capable d'y aller. Ça ne veut pas dire qu'on y va. Et quand je dis être capable d'y aller, ça ne veut pas dire qu'on dit qu'on est capable d'y aller. C'est qu'on ne se pose même plus la question. Puis si quelqu'un t'invite à la messe, tu n'as rien à faire, tu peux y aller aussi. Puis si tu y vas, tu vas aussi trouver ça le fun, plaisant. Ah, tu apprendras peut-être pas grand-chose. Mais tu ne pourras pas y aller et sortir de là frustré. Ou te contrôler tout le temps que tu es là. Il y a l'inhibition. Oui, mais si ça ne te plaît pas, tu n'as rien contre y aller, mais... T'as aucune raison pour y aller. C'est ce que je te dis. Ça ne veut pas dire que tu vas y aller. Ça veut dire que tu peux y aller. Alors que la majorité des gens ne peuvent pas y aller. Et ils peuvent se dire, oui, mais c'est parce que je veux pas y aller. C'est comme les personnes souvent qui te disent, oui, mais moi j'aime fumer. Si je veux arrêter, j'arrêterai. Arrête. Je ne veux pas arrêter, je n'ai pas le goût d'arrêter, je veux continuer à fumer. Mm-hmm. Ça fait partie de l'illusion. Parce qu'ils ne peuvent pas arrêter de fumer. Il n'y a personne qui aime fumer. Qu'est-ce que tu aimes quand tu fumes? C'est que ça te satisfait, ça te calme, oui. Ça élimine tout le problème que quand tu ne fumes pas. Autrement dit, quand tu fumes, tu arrives à être exactement comme moi qui n'ai jamais fumé. Donc, ta cigarette, tu ne l'aimes pas. La cigarette, quand tu la prends, c'est exactement comme si quand tu obéis au maître, t'aimes ça obéir au maître, parce qu'il te fouette pas. Mais s'il n'y aurait pas de maître, tu n'auras pas besoin d'y obéir, puis tu ne seras pas fouetté non plus. Ça fait partie des mécaniques de l'illusion. C'est pourquoi l'être humain doit être suffisamment anégoïque pour commencer le processus de désinhibition. Premièrement, l'anégoïsation a engendré suffisamment d'énergie dans le monde éthérique pour lui créer un début de globe éthérique suffisamment puissant pour pouvoir lui permettre d'être en contact avec le plan supramental, assurer son individualisme de conscience. Deuxièmement, le fait qu'il s'est suffisamment anégoïsé va lui permettre de pouvoir commencer le processus de désinhibition sans que le processus devienne une autre façon d'être récupéré au mérite. C'est important de le comprendre. Ce que l'humain doit faire pour se désinhiber, première chose, évidemment, c'est de prendre totalement conscience de tous les facteurs d'inhibition. Bon, et quand je dis prendre conscience, c'est que l'humain ne doit pas mentalement en prendre conscience, l'humain doit, par l'intelligence, donc par l'observation instantanée, en prendre conscience. Où il y a des dangers dans la récupération, c'est qu'à un moment donné, une personne, disons, il y a une personne ici dans la salle qui se trouve extrêmement jolie, disons, je dis bien, et la personne, à part toi, là, la personne, elle comprend toute la conférence aujourd'hui, elle veut se désinhiber, alors elle va te voir, puis elle te dit, viens, on va aller désinhiber ensemble à soi. La personne, elle ne se désinhibe pas. La personne, elle se libère, puis les raisons qu'elle te donne pour se libérer sont des raisons évolutives, comme beaucoup ont fait, comme tu peux tuer au nom de Dieu, sont des raisons théologiques, elle te donnera des raisons apparemment évolutives, pour maintenant aller te chercher. Et là, toi, si tu dis non, il n'est pas question, là, elle peut te dire, voyons donc, tu devrais te désinhiber. Égal, tu devrais te libérer. Et je dis bien, la désinhibition n'est pas une libération dans le sens traditionnel animal humain. Elle va te rendre libre par naturel. Elle ne te rendra pas libre par obligation, par mode, par vecteur social, et tu ne seras pas obligé d'entretenir ta liberté, tu seras par la suite inatteignable, intouchable, incolorable. Tu seras fusionné. Et c'est dans ce sens-là que tu parles de méritoire. Si par exemple, moi j'ai une inhibition à te donner la main, à serrer la main à quelqu'un, là je veux vérifier, ça va être ça, je veux vérifier, je n'ai pas à le vérifier, il faut que je le sache que ça ne me fait rien. Oui, sauf que c'est un autre exemple du processus de désinhibition. Tu as une inhibition à serrer la main à quelqu'un. Plusieurs inhibitions peuvent se mêler. Serrer la main à quelqu'un avec qui tu ne vibres pas, ça ne te tente pas parce que tu considères astralement qu'il ne fait pas partie de la même race que toi. Ça peut être une... Oui, c'est ça. On donne des raisons. Ouais. Maintenant, me serrer la main à moi, tu ne veux pas parce que tu ne sais pas comment ça va être reçu. Mm-hmm. Donc, tu veux, mais tu ne veux pas procéder comme tu le fais, comme les animaux humains le font, pour ne pas que moi je considère que tu as un besoin de serrer la main, alors que c'est pas ça que tu vis. C'est une relation de communication, et c'est là que tout le processus du paquet d'inhibition commence à devenir souffrant. Alors là, tu dis, j'aimerais me rapprocher, mais si je me rapproche, ça va être mal interprété. Si je me rapproche pas, ça va être mal interprété. J'aimerais le faire, je ne sais pas comment. Si je prends le chemin traditionnel, nécessairement, bon, je peux me faire ramasser. Et là, il y a toute une panoplie de phénomènes qui fait que l'individu ne sait plus. Le parent qui veut se rapprocher de son adolescent ou encore du jeune adulte, est-ce que l'adolescent va penser que le parent veut l'acheter? Mais c'est vrai que tu peux te rapprocher de ton jeune pour l'acheter. C'est vrai que tu peux vouloir me serrer la main pour m'acheter. Ça, c'est suffisant pour t'inhiber. Mais vous avez une conscience. Et vous savez très bien, lorsque c'est instantanément, vous venez pour faire un geste, que c'est pas ça. Mais l'inhibition va immédiatement vous ramener tout ce que vous n'êtes pas. Les mondes parallèles qui sont inhibés. Et là, vous allez dire oui, mais là, vous allez commencer à rationaliser mentalement, sûr, et comme de temps en temps, certaines personnes le font dans des réunions. Oui, mais tu sais, dire ça, là, c'est dangereux. C'est pas dangereux pour vous autres. Et là, c'est dangereux pour les mondes parallèles dans lesquels tu veux vivre ton danger. Les inhibitions deviennent une problématique dans la libération ascensionnelle vers la conscience supramentale. Donc, les inhibitions, même s'ils ont été les paliers moteurs de l'ascension humaine jusqu'au début processus de fusion, elles sont les gardiens de l'involution, c'est-à-dire qu'elles protègent l'évolution en ce sens qu'elles vont tout faire pour t'empêcher de retourner en arrière. Et comme ce sont des mécaniques puissamment installées dans la conscience humaine, Il ne faut pas s'attendre que du jour au lendemain, vous puissiez commencer le processus de désinhibition ou encore vous désinhiber. Mais où il y a le gros danger, c'est que le processus doit continuellement être mené par de l'intelligence. Tu es inhibé, disons, physiquement. Tu décides d'aller dans une colonie de vacances ou dans une colonie de nudistes. Est-ce que tu pratiques la désinhibition ou si tu travailles la libération? Et là, c'est fondamental comme question. L'autre question, est-ce nécessaire d'aller, par exemple, dans un club de nudistes pour se désinhiber du point de vue du corps physique? Mais la majorité des intellects ou des mentales ou des astros, des égaux, vont répondre non, c'est pas nécessaire. Alors que ce qu'ils font, c'est que c'est exactement comme la personne qui passe sa vie habillée et qui toujours prétendra qu'elle n'est pas, qu'il n'y a pas de problème. Mais elle aura toujours des raisons intelligentes à t'amener. Alors, si elle sort de la douche avec une robe de chambre, c'est pour ne pas attraper la grippe. Bon. Si elle se baigne avec un maillot de bain, c'est parce qu'elle a peut-être une blessure, un bouton, elle a peut-être... Il y a d'autres personnes qui ne comprendraient pas, il y a... Ou simplement, si tout le monde comprendrait, ben là, elle ne se baigne pas parce que fait trop chaud, parce qu'elle n'aime pas l'eau, parce qu'il y en aura. Bon. Et c'est le danger. Alors, nécessairement, l'humain qui doit commencer le processus de fusion ne doit pas se poser la question « Oh, mais c'est compliqué, fait que je fais quoi? » Il ne doit pas se poser cette question-là. Parce que s'il se pose cette question-là, qu'est-ce qu'il dit? Il dit « Je suis juste de la mémoire, il manque des informations, donnez-moi-en. » Donc, il ne procédera pas par l'intelligence. L'individu doit se dire « Vous devez intelligencer et comprendre ce que je dis. » L'individu doit comprendre l'absurdité et le point focal que j'amène pour après ça, par son intelligence, commencer lui-même son processus de désinhibition. Le processus va sembler plus long de cette façon, alors que si on instruit du processus, ça va sembler plus rapide et ça va être mauditement plus long parce que vous allez apprendre des choses sans les comprendre. Et juste avant que tu poses une question, regardez ce que ça donne. Si vous devez comprendre de quelle façon éliminer une désinhibition, tout le processus pour parvenir à la désinhiber est le processus de désinhibition. Alors que si on vous instruit d'un processus, ben vous allez l'avoir appris, il ne fonctionnera jamais, parce qu'il ne fonctionne que si vous le construisez. Exactement comme je te dis, explique-moi pourquoi, si je te donne un bâton, chaque jour je vais te donner un bâton. À chaque jour, tu as le choix, tu reviens avec le bâton et tu me le remets, auquel cas je ne le prends pas et je t'en donne un autre, ou bien tu reviens me voir et tu ne m'en donnes pas, auquel cas je ne t'en donne pas non plus et tu m'en dois un. Cela veut dire que si pendant 30 jours tu viens me voir en me ramenant un bâton, je t'en donnerai toujours un autre. Après 30 jours, tu auras 30 bâtons dans ta chambre. Si le lendemain tu viens sans bâton, tu m'en dois un, tu vas t'aller en chercher un, tu en auras 29. Pendant 29 jours tu fais cela, il te reste un bâton dans ta chambre. Mais tu n'as rien compris. C'est un cas 1. Zen, dans la pratique, où le disciple doit comprendre quelque chose pour mettre fin à la sempiternelle roue du fait que, parce que la journée que tu n'en as plus dans ta chambre, tu ne peux plus m'en donner, tu m'en dois. Si tu as commencé à le travailler dans le champ, m'en faire un chaque jour. Bon. Alors, ce qui va arriver, c'est que l'individu doit comprendre. Si je t'explique de quelle façon t'en sortir, le Coran, autant ne jamais te le donner. Si tu travailles pour le régler, on s'en fout de la façon dont il est réglé. On s'en fout de la clé pour l'arrêter. C'est pas ça qu'on veut. On veut pas que tu m'amènes la réponse. On veut que tu développes le cheminement nécessaire pour trouver la réponse. Et la réponse, on s'en fout. Quand tu arrives avec le bâton, mais que tu as sculpté dessus, c'est le même bâton, mais ce n'est pas le même bâton. Tu vas mettre fin à la roue. Je te donne de l'enseignement, tu me la remets telle quelle, je t'en redonne d'autres. Je te donne de l'enseignement, tu partages pas, tu reviens que rien, tu m'en dois. Je te donne de l'enseignement, tu reviens en ayant amélioré l'enseignement, tu n'es plus un disciple, je ne suis plus un maître, on est deux amis. C'est le Coran. Mais si je te l'explique, ah ben oui, ben c'est bien simple, ah ben je comprends tout. Tu n'as rien compris. C'est-à-dire que tu es un élève qui apprend, mais jamais tu ne seras un élève qui va construire. Tu répareras les moteurs, mais tu n'en inventeras jamais d'autres. Le processus de désinhibition est similaire. L'individu, vous devez comprendre la saveur de ce que j'ai expliqué pour être par la suite capable de vous placer sur un pivot où là, ça devient intelligent de cesser d'être pogné. Et avec ce que j'ai expliqué, vous avez suffisamment d'informations pour comprendre la mécanique du pognage, l'intelligence. Avec cela, on est de plus en plus capable de comprendre même la mécanique de la descente de l'intelligence. Parce que la lumière descend et qu'elle frappe des canaux qui sont croches, ces canaux croches, qu'est-ce qu'ils font? Ils créent de la souffrance. Les canaux croches sont associés à l'évolution planétaire, l'énergie qui monte, l'animal. Les canaux croches, à un moment donné, pivotent bizarrement et créent une inhibition. L'énergie qui traverse par là ne peut pas revenir. Donc, tu pourras parler de l'affection que tu devrais communiquer sans jamais être capable de l'appliquer. L'énergie pourra traverser, tu ne pourras pas venir revenir dans l'application matérielle. À un moment donné, ce que tu devras faire, c'est replacer le canal de façon à ce que l'énergie puisse recommencer à circuler. Tu seras capable de l'appliquer, mais de le rebouger de façon à ce qu'il ne soit plus un problématique négatif d'involution, le placer de façon à ce qu'il devienne un processus d'évolution. C'est, si on fait un parallèle, exactement comme si lorsque vous vous êtes effusé, vous avez engendré un paquet de petits cristaux, qui sont des mondes parallèles, des canaux, et tout cela a été lancé dans la création, et cela, c'est vous. En ayant été lancé, plusieurs se sont heurtés, c'est un parallèle que je fais, et il y en a plusieurs qui sont maintenant mal en lignée. Étant mal en lignée, ils engendrent l'inconscience. L'intelligence ne passe pas. Étant mal en lignée, ils peuvent réfléchir de la lumière qui provient d'en bas, qui est simplement le processus même d'évolution de l'énergie vitale, qui est la prémisse même de la supraénergie, et progressivement ça revient, et ça, c'est expérientiel. Étant expérientiel, ça va accepter les petits cristaux placés croches comme étant des lois de Dieu, comme étant des lois naturelles, comme étant des lois des affaires, bon, etc. On va accepter par l'expérience une maladie comme faisant partie de notre évolution, une pathologie comme faisant partie de l'évolution de la société. Mais à un moment donné, parce qu'il y aura des inhibitions, il y aura des facteurs, des vecteurs où on ne pourra pas revenir en arrière avec l'énergie, on va grimper jusqu'au moment donné où on va arriver dans un endroit où les cristaux sont à peu près tous bien alignés. Début de conscience supramentale. Mais en bas, c'est problématique. Ça s'est habitué. En haut, ça ne s'est jamais habitué, ça n'est pas mémoriel. Chaque fois que le cristaux n'est pas correct, on a un ajusteur. On a un ajusteur, à un moment donné, il se plante. En bas, étant expérientiel, mémoriel, ça devient un phénomène qui refuse le changement. On le sait, la psychologie refuse le neuf. Cristallisé dans la mauvaise position, ça ne passe plus. Quand tu parviens par les inhibitions à traverser jusqu'en haut, la lumière commence, l'intelligence, la conscience, l'esprit commence à descendre, et là, va recommencer le processus de désinhibition. Il y aura toujours le phénomène de la souffrance, parce que là, on va commencer à jouer dans les mémoires. En même temps, il y a toujours la consistance intelligente que tu as donnée à l'inhibition. Oui, mais la sexualité à outrance, c'est dangereux. Perdre l'énergie vitale, etc. C'est vrai que c'est dangereux dans ce sens-là. Mais là, ce qui arrive, c'est que quand l'intelligence vient te dire il y a tellement d'énergie que tu ne peux plus en perdre du tout, l'individu, et comme je le dis souvent, l'intelligence n'étant pas hormonale, quand tu es en contact avec l'intelligence, ton cœur n'accélère pas. Quand tu es en contact avec l'émotivité, le cœur accélère, et là, on dit c'est plus tangible. D'où le problème. Alors, l'intelligence descend, et progressivement, elle va travailler dans ta conscience des mécaniques pour contrebalancer les cristaux mal placés, les retourner, les enligner. Donc, tout ton canal devient de plus en plus transparent. Et on revient encore, je vais revenir souvent, de toute façon en conférence, sur ce danger, cette nécessité aussi, qu'il y aura l'inhibition face à la désinhibition. Et là, automatiquement, lui-même a posé la question que tu as posée, comment commencer le processus de désinhibition? Pourquoi il pose la question? Parce qu'il est inhibé en face de la désinhibition. Autrement dit, vous ne savez pas cérébralement quoi faire. Alors qu'en réalité, vous le savez. Mais inhibé comme vous l'êtes, vous ne pouvez le faire. Alors, vous cherchez une clé pour le faire. Quand tu viens pour, prenons l'exemple encore, tu viens pour serrer la main à quelqu'un qui est en harmonie avec toi, c'est une communication. Tu ne veux pas, tu ne sais pas, tu veux, tu sais, tu sais, tu sors. Ben, donnez-moi un moyen, fais-le. Mais là, va falloir qu'on comprenne certaines choses. Je pense que c'est aussi, on était quand on entreprend une démarche évolutive de façon mentale, on est contre le fait de se faire têter, à moins qu'on soit en accord avec ça. Alors, si je viens pour aller têter quelqu'un, ça va être à la condition, je dois avoir une relation honnête, à la condition que cette personne-là sache que je vais la têter et qu'elle l'accepte. Et donner la main, c'est une forme d'attêtage. Et après ça, ça s'arrête où? Mais premièrement, c'est ça, là, rien que donner la main, c'est une forme d'attêtage. Mais c'est une forme d'attêtage, même comme tu veux même pas le penser. Je peux pas. Quand tu donnes la main à quelqu'un à ta façon, hein, pas à la façon de tout le monde, à ta façon, tu prends un peu de son énergie, mais ton step, mais en même temps, tu espères, et c'est là que l'inhibition va entrer en ligne de compte, tu espères pouvoir t'incarner un peu chez lui, par ta main. Alors, quand tu tends la main à quelqu'un, toi, puis tu serres la main, tu te projettes dans son corps et tu espères voir un peu. Alors, cette main plus. Ben, c'est de même ramasser tout le corps de l'autre. Ben, c'est ça le tétage. Oui, mais quand toi tu serres la main à quelqu'un, c'est ce qui va se passer. Et c'est pourquoi tu ne serreras pas la main à ceux qui, astralement, tu considéreras comme étant inférieurs. Mm-hmm. Parce que non seulement tu veux rien faire de leur énergie, mais en plus, parce que la façon dont tu es rendu à serrer la main, tu te projettes dans l'autre. Ah, tu veux vraiment pas comment, tu veux pas vivre dans son corps, dans ta conscience. Ok, ouais. Donc, de ce fait, si tu me serres la main, tu essaies de t'immiscer chez moi. En même temps, au cas où tu ne resterais pas, tu essaies de m'immiscer chez toi. Ouais, ben c'est les deux en même temps. Ouais. Est-ce que c'est correct ou non? C'est une bonne question, hein? Ben oui, on peut faire ça sans avoir aucune intention. Tu peux donner la main à quelqu'un dans le genre de ce qui tu répètes la question. Est-ce qu'on peut donner la main? La répète-la. OK. Est-ce qu'on peut donner la main à quelqu'un sans avoir l'intention de quitter? Puis disons qu'on. Ça, si on se sent dans la même énergie, on n'a pas de problème là-dessus. Bon, il y a quelqu'un qui dit que est-ce qu'on peut donner la main à quelqu'un sans avoir l'intention de le têter? Absolument, on le têtera pareil. C'est ça. Bon. Sauf que la personne qui n'a pas l'intention de le têter est une personne qui donne la main uniquement par collectivisme. Mais c'est parce qu'à ce moment-là, moi je me dis, à quoi ça sert? C'est un geste inutile. Exact. Pourquoi toi t'es inhibé d'en serrer la main? C'est que celui qui donne la main sans intention est collectif. Oui, c'est comme ça. Tu dois être inhibé du collectivisme pour devenir individualiste, toute forme de démarcation collective, tu vas les rejeter par inhibition. Plus un individu est collectif, plus l'individu sera capable facilement de faire des choses que tout le monde fait. Alors, on prend l'exemple de personne qui pose la question. Elle est capable de serrer la main, et à un moment donné, elle peut aller rencontrer des gens, ça peut être sa famille, ça peut être d'autres personnes, et là, tout le monde veut s'embrasser, et là, elle va commencer à se sentir mal dans l'embrassade. Et là, elle commence à vivre une inhibition vers l'individualisme, mais ça, si elle le vit, elle comprendra pour l'embrassade. Si elle n'est pas encore rendue à l'inhibition du point de vue de la poignée de main, là, elle ne comprendra pas pourquoi. Mais quand elle va commencer à même plus vouloir serrer la main, comme l'embrassade, elle va saisir l'idée. Et encore une fois, on n'est pas là pour se dire, bon, ben là, tu ne peux plus serrer la main, c'est idiot. Oh, elle la serre encore. Ben là, c'est idiot. Tu sais, c'est toujours un ou l'autre. Non, il faut comprendre le processus d'évolution. Mais il est absolument évident que d'ailleurs, dans le collectif, on se serre la main. Pourquoi? Pour qu'on reste extrêmement homogène. On va s'embrasser, même chose. Hein? Tu aspires de l'énergie, pas le faire. Alors, on s'embrasse encore une fois pour pouvoir posséder autrui, se connaître. On dit être libre de là-dedans. Qu'est-ce que ça veut dire être libre là-dedans? C'est qu'on essaie de créer faussement l'illusion de la transparence. Alors, c'est sûr que si on se rencontre ici et on s'embrasse tous, donc on s'aime tous, donc on n'a pas de cachette et de secret les uns pour les autres, alors que ceux-là en ont plein, ceux qui vivent comme ça, mais on essaie de jouer le jeu. Alors là, ça fait partie de la libération des mœurs. Et non pas de l'ascension des mœurs. Alors qu'à un moment donné, ceux qui sont réellement rendus au processus de fusion vont faire certaines choses qui seront interprétées par les animaux humains comme étant la même affaire et vont faire d'autres choses qui ne seront jamais comprises par l'animal humain. Puis à un moment donné, l'animal humain voudra plagier cela. Parce que c'est sûr que si tu parais très, très, très heureux puis que tu couches dans ta chambre à part puis que ta femme couche dans une autre chambre, dans le début, on ne comprend pas le principe, puis à un moment donné, on copiera le principe. Ouais. Dans l'espoir d'avoir ce que tu as. Alors que toi, c'est pas parce que tu fais ça que tu es ce que tu es, c'est parce que tu es ce que tu es que tu fais ça. D'où l'importance de faire attention aux symptômes de l'évolution. La poignée de main, tu commences déjà le processus, tu veux commencer le processus de fusion avec ceux avec lesquels tu es en harmonie. Sauf que tu as une inhibition du contact. Comment ça va être perçu? Comment je vais le percevoir? Comment je vais le vivre? Comment ceci, comment cela? Et toujours la même chose, la peur de briser le fragile cristal qu'est l'autre dans ce processus évolutif. Je serre la main à quelqu'un et il n'aurait jamais le pensé que j'étais si beau. Donc, désillusion totale des dieux. Moi, j'étais parfait, puis là, c'est comme si je m'effritais au complet. Il y en a un là. Bon. Alors, automatiquement, si je suis inhibé, si j'ai de la difficulté à rencontrer des êtres humains avec lesquels je peux me plaire, à parler, puis à évoluer comme la majorité, où vous devriez pouvoir le faire ensemble, alors je ne lui serrerai pas la main parce que j'aurai peur de perdre quelqu'un qui n'est pas assez pur, mais qui est suffisamment pur pour au moins me donner l'illusion qu'il est pur. Si je lui serre la main, puis que lui considère que c'est une marque d'involution de ma part, puis qu'après ils ne veulent plus me parler, ou qu'ils se mettent à s'identifier dans mon dos, ou qu'ils veulent me thérapiser à un moment donné, dès lors, j'aurais perdu l'individu avec qui je pouvais communiquer. Et cette peur, on parle de l'inhibition, c'est que j'aurais peur dans ma désinhibition, et j'aurais raison de faire attention, pas d'avoir peur, que par ma désinhibition, je le libère, lui. Alors, en me désinhibant devant une femme, je peux la libérer. Elle devient libre, donc stagnante évolutivement, et j'ai détruit le cristal, j'ai détruit la porcelaine qui est en croissance. Je comprends pas ce bout de là. D'accord. On prend ta femme comme exemple. Tu comprends. On a une personne, par exemple, dans le groupe des chefs, qui, à un moment donné, va se baigner sur le lac. Il se baigne nu. Oui, il marche. Ta femme est là, et elle décide de se baigner elle aussi. Puis là, eux autres vivent tellement bien qu'ils décident que, puis là, ben merde. Alors, ils se déshabillent, ils se baignent. Mm-hmm. Ils se sont désinhibés. Maintenant, le premier qui décide qu'il va se baigner, disons que c'est le gars. Ta femme, elle décide de se libérer, donc de se désinhiber plutôt, et à un moment donné, elle se fait récupérer par ce que devient l'autre. L'autre est tellement beau, je parle pas physiquement, mais je parle complètement, tellement pur, tellement enfant, tellement parfait, que automatiquement elle tombe en amour avec lui. Alors maintenant que lui s'est désinhibé, elle est devenue libre. Et là, elle ne sera plus dérangée de vouloir se rapprocher de lui, de vouloir peut-être même coucher avec lui, elle voudra se gaver de lui. Mais là, c'est de la libération, ce n'est pas de la désinhibition. Dans un autre processus, les deux désinhibés ne tombent pas en amour l'un de l'autre. Peut-être que tu pourras arriver dans le bois et te rendre compte qu'il y en a un qui va faire un massage à l'autre. Peut-être qu'ils sont même couchés un à côté de l'autre. Il peut y avoir une harmonie vibratoire parfaite. Si tu es désinhibé, ça ne te dérange pas. Mais si tu n'es pas désinhibé, ça va concrétiser, ça va renforcer ton inhibition, ralentir donc ta libération vers l'ascension. Et ce processus dans l'inhibition va faire en sorte que si ta femme te connaît, lorsque le bonhomme va approcher du lac et il va décider que là, il y en a marre, puis naturellement, il se déshabille, elle qui en a marre et qui veut se désinhiber va immédiatement être inhibée par toi. Elle va se dire, oui, mais s'il arrive. Alors, elle ne pourra pas se désinhiber, projetant son inhibition sur ton inhibition. C'est pourquoi, quand on parle de processus de désinhibition, quand je disais tout à l'heure de faire légèrement attention, pas d'avoir peur, moi, je ne dois pas avoir peur que lui, à un moment donné, ajuste mal ce que je fais et vive des illusions des dieux, prétextant que je fais exactement comme les autres font. Bref, je ne suis pas à la hauteur de ce qu'il s'attendait. Mais je reste ce que je suis, c'est ce que lui projetait, et c'est son incompréhension qui va amener ça. Je ne dois pas avoir peur, mais je dois m'arranger, et vous, on va revenir dans la troisième partie, dans la désinhibition, tu ne peux pas entreprendre de processus de fusion n'importe où dans la société, avec n'importe qui. Parce que tu vas voir que ce processus, même s'il semble être un retour aux sources, il est un avancement vers l'avenir, vers aussi la hauteur d'intelligence, et c'est extrêmement douloureux, pénible, difficilement supportable par celui qui est inhibé et qui n'est pas prêt au processus de désinhibition. Lui va augmenter sa crise inhibitrice ou va commencer le processus de libération. Mais l'individu qui commence à fusionner à se désinhiber devant n'importe qui est un réel danger cosmique. C'est pourquoi on devra s'arranger, on va en reparler, on va faire une petite pause, mais on devra s'arranger pour sélectionner les individus avec qui on veut vivre en fusionner. Pas avec qui on veut vivre la fusion, pas avec qui on veut vivre la désinhibition. Toi, tu ne dois pas vivre avec moi ta désinhibition. Mais quand tu te désinhibitionnes, possiblement que tu, avec moi, tu voudras vivre tel que tu es, transparent. Mais ne deviens pas transparent avec moi, mais trouve au moins quelqu'un pour continuer à jaser tout en pouvant rester transparent. Sinon, tu seras trop ajusté. Ajustement ou trans. On fait une petite pause, puis on vient.